Je ne connais personne qui pourrait me dire que la vie est trop belle, qu'il n'a pas de soucis, qu'il ne connaît pas l'ennui. Autant se dire qu'on est là pour un temps qui ne dure pas longtemps, tant qu'on reste vivant. Pas de mépris, qui n'a pas d'ennemis. Comment se dire, c'est un mauvais moment qui ne dure qu'un instant, tant qu'on reste vivant. On ne sait pas à présent ce qu'on a fait, on s'imagine. Est trop belle, qu'il n'a pas de soucis, qu'il ne connaît pas l'ennui. Autant se dire qu'on est là pour un temps qui ne dure pas longtemps, tant qu'on reste vivant.